Salut tout le monde et bienvenue à La Jazette, propulsée par Young Media, édition du 4 mai 2012. Mon nom est Jean-François Crompe et vous écoutez ce podcast versatile qui s'écoute bien dans plusieurs situations, comme en faisant la vaisselle par exemple. Ou encore du shopping. Hey Dave, on t'entend cette semaine? Vraiment? David Thibodeau, co-animateur, oui. Bonjour. C'est bien moi. On m'entend? Ouais. Mais quel son de qualité! Ouais, on sonne loud. On sonne avec une petite voix, un petit peu de trouble. On a l'air d'avoir des big cojones. Oh ouais, on est bien équipés. On avait des fêtes fortes. Ouais, puis on commence ça en disant qu'on t'entend cette semaine parce que la semaine passée, on a fait le spécial voyage avec mon frère Alexandre, puis... T'avais l'air de parler comme si t'étais dans le fond d'un gymnase à l'autre bout du micro, puis pourtant t'étais collé dessus. Eh oui. Puis bon, mais. Comme en ce moment, là, on m'entend bien et je suis près de mon micro. Faut que je t'avoue que c'est de ma faute. Grosse erreur de quasiment de débutant, là. J'en reviens pas qu'on a fait une erreur comme ça. Ouais, lancez-moi des rushs, tout le monde. C'est parce que. Apparemment, le gain était baissé sur la console de son. Pour ton micro, t'es à moins 10, donc. C'est pas sérieux. C'est ça qui est arrivé, là. C'est du travail d'amateur. Ouais, on s'excuse, là. Pour remédier à tout ça, on a complété aujourd'hui notre gear pour notre prochain studio, là, qui va être chez nous, qui va être pour 4 personnes, là. Tu fais des beaux petits achats. Ouais, on a acheté une belle petite console, 4 entrées XLR, puis un splitter d'écouteurs. Donc, on va être équipé. On est fin prêt à se faire un petit jazzette à 4 bientôt, là. Probablement dans le mois de juillet, on devrait commencer ça, là. Bien hâte de voir ça. On a bien hâte. Ouais. Ben écoute, avant de commencer, on va revenir sur notre appel Twitter, comme à chaque semaine avant de diffuser la veille, on demande aux gens de quoi ils ont parlé cette semaine et puis qu'est-ce qu'ils veulent qu'on parle de. Oui, de tout. On a eu des réponses cette semaine. Oui. Joe Laberge. Joe Laberge qui voulait qu'on parle des tunes des années 90 et puis des séries cultes de télévision. Ben on va parler des séries cultes de télévision. Et on va parler des tunes des années 90. Ça nous a fait faire des petites introspections là, sur notre passé un peu et tout. Des rétrospectives. Tu te rends compte que tes goûts évoluent, mais toi aussi, parce que tu te rends compte qu'il y a bien de la merde qu'on écoutait avant. Justement, là, pour la musique, je vais pas en dire trop tout de suite, parce que j'ai vraiment du stock, j'ai vraiment pris des notes aujourd'hui. Là. Tu t'es fait des petites feuilles. Oui. T'as marre. J'ai fait ça. Monsieur préparé. Mais... honnêtement, je checkais là, la musique. Là, dans certaines catégories de types de musique, il y a des affaires qu'on écoute encore. Ah, oh, sûrement. Puis c'est toujours aussi bon. Hey, les années 90, là, il y a de la variété dans la musique. Là. Ça va loin. Pour les TV shows, les séries cultes, je peux te dire qu'on a écouté, comment on dit, une barge et quelque chose. Ouais, mais c'est large. Hein? Ça ratisse large. Parce que tu sais, une série culte peut être culte pour toi puis pas pour un autre. C'est ça. Là. Fait que ça va large. Fait qu'on... on va en parler vaguement et généralement, mettons. Là. On va parler de TV shows qui ont pogné, dans le fond. Là. Ouais. Puis il y a aussi notre super musicien de Young Media, Martin Véro, sur Facebook, qui nous a dit qu'il voulait qu'on parle... comment qu'il nous a dit ça? Il veut qu'on se mette dans la peau du nouveau DG du Canadien, Marc Bergevin, puis qu'est-ce qu'on ferait avec Gomez? Il veut qu'on fasse ça? Ouais, il veut savoir. Mais j'étais pas au courant. Qu'est-ce que nous. On m'avait fait... pas prévenu. Ah, ben là, c'est t'avais juste à aller. Je quitte sur le champ! Je quitte ce plateau. Ouais, on va parler de ça. On va discuter un peu de cette grosse nouvelle, là, le nouveau DG du Canadien, Marc Bergevin. Donc, on va en parler un peu tantôt. Oui. Puis, il y a quelqu'un qui a approuvé aussi là, le sujet, justement, de Gomez. Donc, vu qu'il y a une forte demande, on va en parler. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais. On n'est pas des professionnels. Alors, on n'est pas des professionnels. On est la jasette. On est là pour jaser. On se dégage de tout propos qui sort de nos bouches. On est du petit monde. c'est ça, hein? Du petit monde qui font du small talk. C'est ben, ça pareil? Ben, c'est ça aussi. C'est ce qui... ben, le talk radio, je pense que ça manque, moi, justement. Là. Ouais. Ben, c'est les podcasts, c'est ça que ça va rejoindre comme public. C'est hein, ça, là, c'est parce que le monde sont tannés, là, des radios commerciales qui te passent tout le temps même tune, même 4 tunes à l'heure, là, tout le temps. Là. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, j'ai été élevé dans le talk radio, là, fait que moi aussi, ça me manque là, un peu de ça. Là. Maman écoutait Gilles Proulx, pas mal. Ah, pas moi, par exemple. Puis le Doc Mayou, méchant de gang, il est capoté. Yes, boy. Ça explique bien les choses. Intense. Fait qu'on va débuter ça de la même manière qu'on débute le show d'habitude. Alors, David, ben quoi de neuf? Quoi de neuf? Dis, j'en prends une petite bière. Quoi? Je sais pas! C'est pas, t'as pas rien de neuf cette semaine? Nice! J'ai checké plein d'affaires, mais j'ai pas checké ça, man! Ben, c'est spontané, ça. Ouais, mais j'ai comme pas pensé là, à une réponse. Bon, ben, gars, moi, je peux te dire des affaires neuves que j'ai... qui ont passé cette semaine de bord. C'est excellent, ça. Mais on va parler d'un projet qui s'en vient pour nous, TweetAid, cette semaine qu'on a vu passer, le TweetAid des ménages. Ouais. Ça va être au Rachel, ouais, finalement, ouais, ouais. Parce que j'ai vu que le show lapin fermait. Ouais, ben j'ai vu ça passer sur Twitter. Là. En tout cas, il y a des nouvelles places qui sont libérées, je pense, pour le TweetAid. Ouais, ça va être plus grand, fait que voir 75 nouvelles places, mais il y en a peut-être déjà de repris. Ouais. Mais... Faites vite, là, si vous voulez. Là. Oui, faites vite. Puis, hey, on va parler d'ailleurs de ça parce qu'on va être au TweetAid, toi et moi, pour filmer, prendre des photos. Puis on va avoir nos nouveaux T-shirts. Puis sur nos nouveaux T-shirts, on a un code QR dans le dos. Ouais. Vous allez au monde, vous allez pouvoir nous cellulaire là, dans notre dos puis nous scanner puis aller sur notre site directement. On essaye quelque chose avec un code QR. On sait que c'est pas la mode ou que ça pogne pas tant que ça, mais on va essayer ça comme une. Ça peut être quelque chose d'intéressant en même temps, comme un peu penché par en avant avec nos caméras, avec le dos courbé. Le monde va pouvoir nous scanner facilement. Oh, ouais. C'est une bonne façon d'essayer d'exploiter le code QR. Une façon de prendre une photo de quelqu'un qui prend en photo le code QR puis qui... de moi qui est en train de filmer. C'est ça, tu sais comme quelqu'un un gros qui... setup de fou là, inutile ouais. Là, mais hot. José. Fait qu'à part de ça, mon GF, écoute, neuf avec Rétro Nouveau? Ah ben, les tournages, ça va bon train, je te dis. Mais cette semaine, on a essayé de changer de style un peu pour le jeu souvenir qu'ils font, là, quand ils jouent à un jeu rétro, dans le fond, live. On essaie d'aller dans quelque chose de plus dynamique, de plus court, vu qu'il n'y a pas tant de contenu que ça. Le contenu est plus dans les top 5, dans les chroniques, fait que... Vu que c'est plus une chronique flash, là, on essaie d'y aller plus rapidement. Fait que le prochain que je vais sortir, qui un est... un peu différent. Que je me rappelle plus le nom pantoute du jeu. Là. Un jeu de cowboy. Un jeu de cowboy au Super Nintendo. Là. Je l'ai écrit tantôt sur Twitter et je me rappelle déjà plus. Un jeu de cowboy. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Là. Nice. Vous aurez la surprise. Un jeu de cowboy dans ce temps-là. Ouais, cowboy habillé en rose pis tout. Là. T'es sûr que c'est pas un jeu sur Back to the Future 3, genre? Ça aurait pu, là. Mais ouais, fait que c'est ça, là, on essaie ça, mais ça continue. Sinon, les podcasts, eux autres, j'ai écouté leur dernier épisode, puis j'ai entendu à la fin qu'il y a eu des problèmes de micro encore. J'espère que ça va se régler. C'est plate de perdre des podcasts, là. Ouais, effectivement. Ouais. D'ailleurs, parlant de podcasts, on a appris cette semaine que Trois Bières, on a parlé avec Trois Bières. On a vu aussi sur Twitter que... Ouais, on leur a jasé de lutte un peu. Puis on a vu aussi sur leur Twitter qu'ils ont annoncé qu'ils étaient pour recevoir Mike Ward. Ouais, grosse prise. Bravo les trois membres de Trois Bières. On est bien contents que des grosses vedettes là, comme ça, ça aille dans les petits podcasts québécois, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment bien pour eux. J'ai commencé à écouter d'ailleurs le podcast à Mike Ward tantôt. Là. J'ai écouté juste 20 minutes, là, mais c'est intéressant. Là. J'ai écouté l'épisode qui était avec Yann Thériault puis Pace de Terrain de jeu de Pascal. Là. Ok, ouais. Ça, Un autre podcast parlé. Il y a l'ignorance de podcast. Ouais, mais ça, je savais même pas qu'il y avait son podcast. Je viens de le découvrir justement cette semaine ou fait pas longtemps. Là. Ok. Je peux pas en parler parce que j'ai écouté les premières 20 minutes. Fait que ok. J'en parlerai pas. J'ai commencé à en écouter. Là. Ouais? Ouais. Tu t'es mis à ça finalement? Je m'y suis mis. Parfait ça. Hey. Faut bien que. Faut faire attention à dire je me suis mis. Là. Et ça, c'était dans une autre partie de la soirée. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est ça. Oui, j'ai commencé à. Télécharger des podcasts, dont Trois Bières d'ailleurs, que j'ai écouté. Ben justement, cette semaine, après le podcast la semaine passée qu'on a fait, là, l'épisode avec mon frère que tu sonnais vraiment loin, et Pierre-Luc qui est venu me parler sur Twitter puis qui a essayé de me donner des conseils pour des plugins d'Audacity pour balancer un peu le niveau. Mais moi, je savais c'était quoi le problème, fait qu'on n'avait pas besoin. Mais il m'a parlé de comme il est allé, lui, chez Mogodio, qui est une place que j'aime vraiment là, pour les trucs de son. Ouais. Puis il s'est fait dire que pour trois personnes, pour avoir un podcast de qualité, il fallait que tu achètes genre des micros de fou avec une carte de son pour ton ordi, puis comme il fallait que tu donnes 800$ au gars que ça coûtait. Là. Puis là, il m'a dit ça, je suis fait comme ben non. Il me semble que, ben, en tout cas, on n'a pas. Là, on s'est testé tantôt, là, on s'est enregistré, puis on a écouté ce que ça donnait, puis le son était vraiment bon. Puis, tu sais, on n'a pas pour 800$. Moi, j'ai un bon micro, mais tu sonnes quand même bien. Moi, j'ai un micro à quoi, 30$? À peu près, là, il vaut peut-être 40$. Je l'ai eu en rabais à 30$. C'est sûr, moins qualité. Puis là, il n'y a pas de pop filter dessus. Ouais, ça s'en vient. Là. C'est un Groove Factory M, genre 104, quelque chose du genre. Moi, c'est sûr que j'ai un bon micro, le mien, mais c'est pas grave. La qualité de ton micro est quand même bonne. Puis, on a une console qui vaut à peu près 50-100$. Pour 100$, on s'achète une nouvelle console, nous autres, aujourd'hui. qui a 4 entrées. Fait qu'on pourrait plugger 4 micros. En XLR. En XLR, qui est la meilleure qualité audio que tu peux avoir, je pense, là, pour les micros. Pas mal ça. Ça, c'est plate un peu quand tu vas dans des places de même, que tu vas te faire conseiller des podcasts, justement, qui sont plus ou moins avec du budget, puis ils sont amateurs, puis c'est pour le fun, de te faire dire qu'il faut que tu aies la qualité de top 800$, que, comme si tu voulais enregistrer quelque chose pour la radio professionnelle. Là, c'est... Ouais, c'est ça. On veut pas enregistrer pour la radio. Là, on fait ça sur une note, puis la plupart du monde, ils enregistrent là, avec des... Il enregistre avec des affaires bien, bien moins de qualité. Là, t'sais. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Là. Fait que faites attention, soyez vigilants quand vous faites vos achats de podcasting. José. Ok, on va commencer avec le premier sujet du public qu'on a eu de Jonathan Laberge, dans le fond, qui était. Il voulait qu'on parle premièrement des tunes des années 90. Ouais, ben ça, je disais tantôt, dans les années 90, là, il y a vraiment de la variété. Là. On a vraiment beaucoup de stock. Là. Je sais pas qu'est-ce que toi t'écoutais, là. J'écoutais mais, bien les affaires. Hey, moi aussi. Là, ben, pas tant que ça. J'étais allé voir des trucs, là, puis je me suis rappelé que, OK, j'écoutais ça dans les années 90. Fait que, tu sais, c'est comme toute ma jeunesse, là, toute mon adolescence, là, ouais, mon aussi, secondaire. Là. T'sais, comme, mettons, là, si je remonte là, vraiment comme, bon, mon premier album que je me suis acheté. Hey boy. Mais c'est une cassette, mais que je me suis payé moi-même. Là, ouais. Mon argent, là, c'était une cassette de Michael Jackson, l'album Dangerous avec Black or White. Là. Wow. Bon. Ça, c'est la première cassette que je me suis payé moi-même. J'en avais d'autres, là, mais c'est mes parents qui m'ont payé, mettons. Mais lui, je l'avais économisé mon cash, je m'étais acheté Michael Jackson, Black or White, en cassette. Cassette. C'est vieux, ça. C'est écœurant, ça. Toi? Première cassette que je me suis acheté, je m'en souviens. Je sais pas si je me suis déjà personnellement acheté des cassettes. Moi, j'avais tous les albums de François Pérusse, mais ça rentre pas dans la musique, vraiment. Premier CD que je me suis acheté, en CD, là, vraiment, c'était l'album double des Smashing Pumpkins. Ok, ouais. Avec The World is a Vampire. Ah oh, ouais, ça c'est un classique, moi. Ouais. J'y avais pensé. Mais là, je lisais des listes de top 100 tantôt, de justement des top des années 90, puis je me suis rappelé, le plus loin que je pense que je peux me rappeler, je suis dehors avec un petit Ghetto Blaster, là, quasiment pour enfants. Ouais, ouais. Puis j'écoute une cassette enregistrée avec la toune Jump Around House of Pain. Ouais. Puis que je suis sûr que le son au début, c'est un cheval qui crie, là. Un cheval qui crie, wow! J'ai jamais su c'était quoi ce petit. C'est probablement un disque qui se scratch, là. Mais quand j'étais jeune, j'étais comme, ah, il y a un cheval qui crie, c'est débile! Là. Ouais, mais dans ces années-là, là, justement, là, t'as eu, mettons, du jump around, puis toutes ces affaires-là. T'as eu genre. Mais là, on parle début 90 vraiment, là. Sur... Ouais, mais tu sais, du technotronique, là. Wow! Hein? Pom-pom de jam! Pom-pom de jam! Pompera! Un, hey, man, un classique. C'est du gros cru, là. C'est un classique, ça. Wow! Cotton Eye Joe! C'est une toune qui te reste dans la tête plus que Cotton Eye Joe. C'est débile, là. Dans ce temps-là, là, quand tu écoutais cette toune-là une fois, là, c'était fini. Là. Tu l'avais à vie. Là. On s'en rappelle encore. Là. Je suis sûr que n'importe qui est capable de nous chanter Cotton Eye Joe live là quasiment. Là. Si t'as déjà entendu la toune, c'est sûr que t'es capable de savoir l'air. La Macarena, man. Ça joue des années Macarena. 90. Ça, là, je viens d'avoir un flash. Tu me parles de Cotton Eye Joe puis les tounes, les verres d'oreilles. Scatman. Scatman, ben oui, man. J'ai jamais pas pensé à ça, mais c'était des années 90, ouais. Ça. Lou Bega, Mambo No. 5. Mambo No. 5. Des années 90, ça? Ben ouais. Mon Refugee, Dieu. Killing Me Softly. C'est yeah. Remake, là. Des bonnes tunes. Ricky Martin, ouais, c'est fou. Hey, même qu'à la limite, les derniers albums de New Kids on the Block, Step by Step, lui, il sort en 90. Fait que ça compte, c'est dans. Fait que ça compte, là, c'est des années 80. Hey, imagine, là, ça, c'est vraiment quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai plus les premiers albums, là. Ouais, ouais, j'étais ouais. Vraiment kid, là, comme à, mettons, 9 ans, genre 8-9 ans, là. J'écoutais du New Kids. Wow, hey. Ouais, moi aussi, là. Malade, là. Il y a eu l'arrivée des Backstreet Boys, des Spice Girls, des Britney Spears, ouais, de tout ce monde-là. Ça commençait les gens de boys band un peu. Ouais, t'avais sûrement NSYNC avec Justin Timberlake, tous ces trucs-là. NSYNC avec Justin avec ses petits cheveux frisés. Là. MC Hammer, hey, ça j'ai trouvé ça fou. MC Hammer, il a sorti environ, là, je te dirais, 6 albums dans les années 90, dont You Can't Touch This en 90, genre. Avec ses pantalons parachute. Ouais. Mais hey, man, à peu près 6 albums des années 90, là. C'est débile, ça. J'étais comme, mais voyons donc. Après ça, tu peux avoir des affaires comme, tu sais, t'as le classique de Titanic, là, c'est sorti dans les années 90. C'est vague, man, les années 90, il y a de tout, là. Ça a vraiment une méchante période de transition, dans le fond. Mais c'est ça, dans le fond, tu checkes ça, puis au début... C'est comme, oh, t'as un style, mettons, comme si on va dans le pop dance mais club, ça, faut, là. Faut dire que tu sors des années 80 aussi, là. Fait. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas nécessairement une période facile côté musique. Ben, ouais. le rock, il y a eu du bon rock. Il y a, ouais, il y a eu quand même des bonnes choses, mais... Il n'a pas bien vieilli, là. Le style vestimentaire, les cheveux aussi, tout l'enrobage, tout ça au complet, là. Eh oui. Ouais, mais attends, j'en ai d'autres. Hey, un des premiers albums, mais pas des premiers albums, mais une des cassettes que je me suis payé, je pense que c'était une cassette quand j'étais jeune. C'était pas du pop, là, c'était du gros death metal, c'était du Pantera. Waouh, Pantera, j'avais pas je pensé à ça. Je me suis acheté Far Beyond Driven en 94. C'était le premier album de Pantera que je me suis acheté. Cowboys from Hell. Il y a eu tout, ouais, et ça c'était un autre album, là. Mais il y a eu Vulgar Display of Power avec la tune Walk, qui est super classique. Oui, Walk, ouais. Ouais. Marilyn Manson des années 90, ouais. J'étais fan de Marilyn Manson dans ce temps-là avec, quand il a sorti son premier album, ben, le premier album qui était comme connu avec Sweet Dreams là, qui avait fait un remake là. Après ça il a sorti Antichrist Superstar, ouais. Avec Beautiful People ouais, mais regarde, un qu'on n'a pas parlé encore du tout puis que c'est immanquable, Nirvana. Ouais. Smell Like a Teen Spirit, like qui est genre spirit, qui ont dit que c'est, moi j'ai lu dans plusieurs top 100 que c'était la chanson des années 90. Un autre Offspring. Ben oui, Offspring classique avec l'album Smash là. Ouais. C'est comme Command and Play, Self Esteem, les deux sur l'album Smash, c'est super bon. Il y en avait d'autres, Green Americana Day. Et tout, tant qu'à ça. Green Day, là, ouais. Des classiques dans ce temps-là aussi. Hey, dans le milieu des années 90 là, quand j'étais mettons, ben peut-être pas milieu comme. Ouais, mais en tout cas, à peu près quand j'étais en secondaire 2, mettons, là. Fait que t'as quoi en secondaire 2? T'as genre. Je sais pas, moi, 12-13 ans. 12 ans, ouais, dans ce coin-là, là. En tout cas, ben non, ouais, 12-13 ans, peut-être, ouais. 14 ans, mettons. Enfin, peut-être dans le coin de 13-14 ans, ouais, peut-être, tu vois, whatever. J'étais comme devenu un petit haut, genre. J'étais acheté des pantalons larges, c'est comme en recherche d'identité. Wow. Puis là, j'écoutais du punk, man. Mais tu sais, du vieux punk, là, genre du Millen Collin, du NoFX, du Pennywise, du Bad Religion, ben, du Blink, là, et tout, ouais, là, ouais. Qui est venu avec le temps, là. Mais toutes des espèces de groupes punk. Il y en avait d'autres, mais là, je me rappelais pas des noms, là, j'essayais de penser vite fait, là. Mais j'écoutais ça, mon gars, puis je trippais là-dessus, mais là, je m'achetais des CD de ça. J'étais un petit peu délinquant, là. J'avais les cheveux rasés, là. C'était une bonne période pour Metallica aussi, dans ce temps-là. Wow, ouais. Ah, mais c'est ça, il y a tellement eu. Il y en a eu, c'était fou. C'est une période qui est vague, dans le fond. Hey, là. Faut pas oublier, le plus important, Will Smith, Getting Jiggy With It. Ben ouais, Will Smith, c'est clair, il a sorti des albums dans les années 90. Ah, il y a eu, si on va plus dans le plus hard. Hey, il y a eu et tout, là, les Fry Hansen. Ah, oh, ben ça, on aime mieux pas s'en rappeler. Tu sais, les trois gars qui avaient le girly look, là. Bop! Bop, bop, bop, doobidada, bop. Tu sais, là, ça. Là. Yeah, boy. T'es pas doux sur le micro, en plus. J'étais un petit peu intense. Ouais, mais c'est ça, si on va dans le plus hard aussi, Korn, Limp Bizkit. Moi, j'étais un gros fan de Limp ouais, Bizkit. Limp Bizkit, c'est le premier show live que j'ai vu de musique. C'était complètement débile. Puis en première partie, je les connaissais pas dans ce temps-là, puis j'ai trouvé vraiment bizarre, il y avait System of a Down. Puis wow. Je regrette à cette heure de pas les avoir connus dans ce temps-là. Ouais, mais j'ai quand même vu le show des System of a Down. Puis c'était, moi, j'ai connu System of a Down dans leur premier album. Là. Ouais? Vraiment, ouais. Alors, moi, c'est plus au deuxième que j'ai embarqué dessus. Là. Avant, ça m'était passé sous le radar. Là. Sous le radar. Weezer aussi. Weezer, ben ouais. Oasis, Wonderwall. Ouais, Oasis, j'y avais pensé. Pearl Jam, ils ont eu des bons, du bon temps dans les années Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, ben ouais. Hey man, mon meilleur album, il est en 94, c'est Sugar Sex Magik. Ouais. C'est le meilleur album, selon moi. Là, en tout cas, un des meilleurs de Red Hot, là. Puis tu sais, regarde, en 94, fait que c'est en plein milieu. Coïncidence aussi, les Beastie Boys. Là, que ouais, on a appris Boys. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques heures, la mort du chanteur Adam Yacht, MCA, ouais. Décédé. Il avait juste 47 ans, décédé de cancer de la glande salivaire que j'ai lu. Ouais. C'est écœurant. Hein? Ouais, c'est jeune. Fait, ouais, ben trop vous jeune. Il vivre une belle jeunesse hein, avec son hip-hop des années 90. Mais tout le monde, c'est comme venu de nulle part quasiment. Ça. Il y en a comme tu t'attends en plus, mais là, moi, je savais pas qu'il y avait un cancer. Mais moi non plus, j'avais pas vu ça passer. Oh, j'avais aucune idée. Ils ont sorti un album en plus, ça fait pas longtemps. J'étais même pas au courant qu'il y avait le cancer. Ben, je connais pas beaucoup les Beastie Boys. Je connais leur musique, mais. Ouais, mais moi aussi, mais je connais ça, pas l'histoire des. Je suis pas dans gars, le cult following un peu des autres. Je les suis pas depuis toujours, là, mais. C'est cela. Puis ben. Pour sortir de la musique, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur la musique, toi, moi, j'ai... Non, on a pas mal fait le tour, tu sais, on commencera pas à vous faire un résumé de... Déjà que j'ai chanté une toune des... Ouais, c'était déjà des pas nécessaire. Je sais pas qui, là. C'était pas nécessaire, là. Mais, tu sais, pour faire un lien boiteux, on a également Jean-Guy Moreau qui est décédé cette semaine, humoriste québécois. Là. Ouais. Qu'on a appris... ça, avec, c'était assez subitement, ouais. Genre, mort que tu t'attends pas du tout, mais... Il y a eu grosse... Très triste. Ben des réactions sur les réseaux sociaux. On a parlé bien gros des nouvelles, mais au Québec, on est comme pas habitué à perdre nos vedettes, je pense, encore. Tu sais, Hollywood, mettons, puis aux États-Unis, c'est gros. Fait qu'ils ont... parce que c'est un petit marché. Fait. C'est ça. Mais puis, tu sais, Hollywood, il y en a plus, puis t'en as beaucoup plus qui vont se faire des overdoses, affaires comme ça, puis ça arrive plus souvent. Nous autres, on les perd pas souvent. Là, puis, tu sais, dans les prochaines années, là, attendez-vous à ce qu'on perde Dominique Michel, Yvon Deschamps, puis du monde comme on ça. On va perdre des grands, mais on va perdre des grands, mais c'est pas d'en parler. Non, on veut pas jinxer ça, rien. Là. Non. J'ai jamais dit aucun nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai rien pas dit. Nom. On n'a nommé personne, mais... Ne souhaitons pas la mort de personne. Vraiment pas, mais ça va être... On va avoir des deuils nationaux. Mais oui, comme... on va avoir des grands... Mais tu sais, quand Maurice Richard est décédé, il y a quasiment eu un deuil national. Le centre... Moi, j'étais allé. Là. Ouais, je sais. Ça j'étais au Centre Bell, puis c'est bizarre parce que j'allais à l'école avec un de nos chums dans ce temps-là, Coin McGill, Sainte-Catherine. Mm-hmm. Bon, on n'a pas été à nos cours, c'est des cours genre comme après secondaire, là, genre de DEP un peu. Là. Ouais, ouais. Puis... On n'est pas allé à nos cours pour aller au centre. Dans le temps, je pense que c'était le centre Molson. On est allé au centre Bell pour voir faire le tour du cercueil, genre de Maurice Richard. Là. C'est spécial. Ouais, c'est bizarre. Surtout un peu. Qu'on le connaissait comme pas vraiment. On connaissait la légende, on connaissait le personnage, puis toute la quête, mais on l'a pas vu jouer. On a vu des vidéos, c'est à peu près tout. Là. Ouais. Et il y a des grands qui vont nous quitter. Ouais, ben ça va être. On va te faire des deuils nationaux à chaque fois, tu sais. Ah, ben là. Ah, c'est je pense pas que. Ouais, non, je pense. Ça serait faut, ridicule. Là, ouais, faut pas. Là. Enfin, en tout cas. Ouais. Faut pas vraiment dire un exemple, là, mais tu sais. Si telle personne meurt, tu peux pas le faire. Puis si l'autre meurt, ben tu peux le faire. Ben, ouais. Ben là, je trouve qu'on finit un segment un peu sur une note vraiment downer. On vient de parler de musique des années 90, puis on finit là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hey, je vais ramener quelque chose de bord de la musique des années 90 qu'on n'a pas pensé. Ouais, vas-y. Salt and Pepper. C'est bon, ça? Salt and Pepper. Sont dans le film que j'adore, moi, Rester à l'écoute. Oui! Jaser. De retour à la jasette, avec une bière neuve et une petite lime fraîche, puis vraiment beaucoup trop stiff pour rentrer dans la bouteille. Une bière fraîche et une haleine de cul. Comment bien commencer un segment? Donc, enchaînons, JF. On va enchaîner. Enchaînons. On parlait des encore une fois de Joe Laberge qui voulait qu'on parle des séries cultes. Ouais. Je m'en ai dit, les années 90, ben, ça va être série culte point de télévision. Général. Comment définit-on... Oups, j'ai kické le micro. Comment définit-on une série culte? Comment définir une série culte? Ben, c'est ça, je disais tantôt et tout. T'sais. C'est-tu par le nombre de followers? Ben, pas de followers. Tabarouette, ouais, Twitter, encore une fois. Ouais, le nombre de followers, le nombre de monde qui l'ont écouté. Là, de personnes qui l'écoutent. Les codes d'écoute, voilà. On va parler en français, peut-être qu'on va plus trouver nos mots. C'est-tu par les codes d'écoute? C'est-tu par... Parce que là, on va parler de série américaine. C'est ça qu'on American. A comme une petite affaire dans l'anglaise. J'ai comme mon accent anglaise. Fait que c'est ça. C'est-tu par rapport au nombre de codes d'écoute? C'est-tu par rapport au fandom, au cult following qu'il y a par rapport à la série? Oui, sûrement. Là. Parce que, tu sais, côté humour, ça, là, ça, vague, là, une série qui a vraiment pas pogné côté public, mais qui est culte à mon avis, c'est Arrested Development. Ouais. C'est incroyable cette série-là. Disponible sur Netflix d'ailleurs, il va y avoir une suite sur Netflix. Ouais, 10 épisodes qui vont être garochés d'une shot. Ouais, j'ai tellement hâte, je garde Netflix on a pour ça quasiment. Ben, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai entendu, il me semble, dans un autre podcast que ça se peut que ça soit pas disponible au Canada. Il va être relâché d'une autre façon, mais il se tirait dans le pied de faire ça, mais ça me surprendrait pas avec les lois. Ah, c'est con, man, sérieux. J'ai suis content parce que j'ai pogné Netflix, puis là, ça donne qu'il y avait des affaires que je voulais voir. Ouais. Mais, tu sais, je vais me désabonner au pire, là, s'il n'y a pas d'affaires. Là. Ça gosse, cette chose. C'est bah, les Américains sont ridicules, là, avec leur... Eux autres, là, c'est fou, leur Netflix, là. J'étais allé chez une amie, genre, qui habite aux States, mm-hmm. là, puis c'est débile, là. Il y a tellement de stuff. Eux autres, là, ça marche par la poste. Ouais. Comme Zip, point, je sais pas quoi. Là. Ben, ils ont aussi la version. Ils ont la version sur la télé. Ils ont les ben deux. Là, tu là, peux c'est... commander des DVD ouais, par ouais, mais ça a été splitté en deux compagnies, ça, récemment. C'est rendu qu'ils font juste... Ceux qui font juste le par la poste le font seulement ça. Là. C'est rendu deux compagnies mais indépendantes, mais ouais, c'était ça au début. Il y avait c'était... les deux services. Ouais, ouais, ils offrent les deux services. Il y avait sur la télé, genre, ben lui, c'était sur sa télé, là, ouais. Avec les nouvelles télés. Ben, c'est malade, là. Si ils ont bien plus de stock. Ça fait chier. Ah, juste sur Internet, tu vas sur les sites comme NBC, mettons, là, puis là, tu veux écouter le preview du prochain 30 Rock. Tu peux pas, à cause que t'es barré ouais. hein, aux régions. Christy, je lis le poche chez nous, là. Ouais, c'est vraiment niaiseux, ça. Voyons donc, là. Ouais. Puis, tu sais, tant qu'à bâcher sur les Américains, comment qu'ils font leur programmation, genre, de leur grille horaire annuelle? un show comme. C'est ridicule. En restant dans le culte, How I Met Your Mother, pour moi, c'est un show culte parce que je l'écoute depuis le début. Ben, c'est ça. Ça peut être ça aussi, un show culte. C'est quelque chose, tu le suis depuis le début, tu l'aimes. Je trouve ça excellent. Je trouve que les writers sont excellents, mais. C'est vraiment, vraiment bien écrit, mais faut que tu le prennes vraiment. Tu sais, ils ont le désavantage de leur nom, là. C'est qu'il y a du monde qui veulent voir la Mother, mais. Faut que tu le prennes comme un show comme Friends, That 70 Show, qui est pour moi c'est un comme show culte. This is the story of tout ce que j'ai fait avant de rencontrer ta mère, dans le fond. Là. C'est quasiment ça. C'est en plein ça. Là. Mais moi, je voulais dire, justement, par rapport à la diffusion, comment ils font ça? C'est n'importe quoi. Ils passent des épisodes, deux épisodes en ligne, t'as deux semaines en ligne, t'as un nouvel épisode, trois semaines pas d'épisode, quatre semaines pas d'épisode, un épisode. En fait, ça commence tout le temps bien. Quand la saison commence, ils veulent garder les codes d'écoute. Ils vont lâcher genre une couple d'épisodes en partant, genre 4, 5, 6, facile. Pour te mettre vraiment dans le beat. Puis là, après ça, ils passent des reprises. Dans le temps, peut-être, mettons, de Thanksgiving, là, ils vont commencer à te plugger des reprises. Un ou deux semaines de suite. Puis, sauf à Thanksgiving en tant que tel, ils vont te faire un show spécial, un spécial Thanksgiving. Puis après ça, t'as deux semaines que t'en as pas. Pour Noël, ils sont revenus, je pense, le 2 janvier. Ils sont venus le 2 janvier. Puis on a pas eu après ça. Ils ont quitté pendant, je pense, deux semaines après. Facile. Tu sais, Là, de ce temps-ci, c'est genre une semaine il y a un show, une semaine il y en a pas, une semaine il y en a un. C'est parce qu'ils ont exploité la période du temps des fêtes, justement. Le 1er janvier, je pense que c'est un épisode du 1er janvier qu'ils ont fait. Puis en plus, c'était pour le passé comme. Le mois de mai dans l'histoire. C'est la fête de Ted dans le mois de mai, puis c'est comme ça rapport un peu avec l'histoire jusqu'à la date des années. Ouais. Fait on dirait que ça se finit tout le temps dans ce coin-là. On dirait qu'il faut qu'il étire. Fait qu'à cause de ça, il passe des reprises. Puis en tout cas, ça gosse, là. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas comment ils font ça. Au pire, il revient pas tout de suite après Noël ou je sais pas. Hein. Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, il reviendrait, mettons, trois semaines après, dans le mois de janvier. Mais ils passaient leur épisode du temps des fêtes, du jour de l'an. Puis là, ça fitterait plus dans le timing. Ben, fais pas spécial jour de l'an. Où fait-les avant les fêtes. Parce que, de toute façon, une semaine avant Noël, avant Noël, le monde est dans l'esprit des fêtes quand même. Là. Mais bon. T'as pas besoin de le diffuser après octobre, le 2 janvier. Là. C'est ça, puis en tout cas, c'est frustrant. Ouais. Mais c'est la même chose pour plein de shows. Là. C'est pour ça que je pense. On écoute Big Bang Theory, c'est la même chose d'affaires. Là, je veux dire. Il y a une semaine qu'il y en a, une semaine qu'il n'y en a pas. Là, t'es tout mêlé. C'est quand ça va jouer. C'est pour ça que moi, à cette heure, j'aime mieux écouter les séries une fois qu'ils sont finis. Puis, c'est parce qu'il y a How I Met Your Mother et Big Bang Theory, justement, je ne suis pas capable d'attendre. Je veux vraiment les voir suite. Là. C'est des séries que tu as le goût de voir live. Là, comme là. Mais les autres, j'attends qu'ils sortent une saison complète. Puis je les écoute en DVD ou sur Netflix, justement. Ça va mieux, je trouve. Ouais, c'est ça. Tape un blast, t'as pas les annonces. Puis... Ouais. Mais revenons aux séries cultes. Série culte. Une série culte que t'as pas suivie, qui est assez récente, qui est Lost, qui a pas le choix d'être considérée comme culte malgré probablement. Malgré le chiolage qu'il y a eu par rapport à la fin, avec lequel je suis plus ou moins d'accord. Pas que je suis plus ou moins d'accord que la fin, je suis plus ou moins d'accord que le chiolage. Mais je t'en dirai pas parce que je veux pas te spoiler la fin de Lost. Il y en a pour tout le monde de toute façon. Je te dirais que. Pas pour tout le monde, mais pour toutes les shows. Je te dirais que Lost, il faut t'écouter ça en disant que c'est pas la fin qui est importante, c'est le voyage pour te rendre à la fin. Dans le fond. Que c'est beau. C'est poétique, mon affaire. C'est bien dit. C'est bien dit, mais c'est ça pour vrai. C'est vraiment tout ce qui se passe dans le show qui est intéressant. Hey, t'es arrêté de me le vendre. Je te le vends, il faut fort que t'écoutes. L'écouter. Mais moi, je vais probablement réécouter parce que ma blonde ne l'a pas vu, puis je vais me le taper en HD, par exemple, vraiment en Blu-ray, je pense, ce coup-là. Grosse qualité. Ouais, tant qu'à le réécouter, parce que c'est quand même long, là, cette saison, 22 épisodes de 1 heure. Ouais. C'est assez long, puis tu comprends rien. C'est ridicule. Les Simpsons? Ben oui. Classique, là. Combien? Ils ont fait leur 500e épisode, je pense, récemment? Regarde, là, tu veux 26 saisons? Juste 500 épisodes, il me semble. On dirait qu'il y en a eu genre 60 000. Là. Ouais, c'est parce qu'on les a revus à TQS puis à Fox en reprise tout le temps. T'es vu en français à Télétoon. T'es vu en français à V. T'es vu à TQS. À TQS. T'es vu en anglais original à Fox puis à genre CBS puis name it. C'est ça, là. Mais tant qu'à être dans les reprises qui finissent plus puis. Je te vois venir. Oh! Oh, vas-y donc voir. Les Flintstones? Ouais! Ben oui! Écoutez ça le midi quand tu reviens de l'école au secondaire. Tu vas manger ton petit repas là, le midi, là, puis t'écoutes les Flintstones. Ton petit craft dinner ou ton chef voyardie. Non, moi je mangeais des beans. C'est bon des beans. Hey, j'arrivais chez nous, là, je me faisais un bol de beans. Une canne de beans, là. Je dévissais ma canne de. J'ouvrais ma canne de beans, là. Ça tirait ça dans un. Canne, c'est-tu dégueulasse? Non, des beans Clark, man. Ah, c'est pas pire ça, mais. Maple syrup. Ah. Pas de maths, là. Oh non, okay, maple syrup. Puis je rajoutais du sirop d'érable dedans, man. C'était un dessert, quasiment, là. Puis là, je me beurrais des toasts, genre, ben même pas des toasts, des tranches de pain avec du beurre, là. Tu devais être speedé en essai à l'école. Là, je mangeais ça, là, en écoutant Flintstone. Puis là, j'habitais pas si proche de l'école que ça. Et là, fallait que je me clenche, mon gars, pour revenir à l'école comme une espèce de débile mental, là. Là, je courais, j'avais super chaud, là. Puis j'arrivais souvent en retard. Un classique. Eh oui. Oh, t'es en forme, tu mangeais du sirop d'érable, t'avais le temps de courir jusqu'à l'école. Hey, speedé, ben, après ça, j'écoutais rien dans mes cours parce que j'étais lunatique totalement. Dame de sucre. Ouais. Mais hey, Flintstone, c'est sûr, là. Ça, c'est un classique. Tout le monde écoutait ça. Mais honnêtement, ça, c'est le genre de série que j'ai écouté à peu près seulement en français. Ah, oh, moi aussi, je ne l'ai pas vraiment vu en français. En anglais je sais que ça a l'air, j'ai déjà vu. Là, moi, j'ai acheté les DVD de la saison 1, puis j'étais vraiment frustré quand j'écoutais ça. Mm-hmm. Parce que la moitié des épisodes sont en français de France. Ah, oh, mais c'est mauvais, ça. C'est n'importe quoi. T'achètes le... C'est marqué en arrière. La moitié de la saison. Comme, ben, peut-être pas la moitié, mais random, t'as un épisode qui t'en fait c'est en français. Ça s'est perdu dans les archives. Genre. Je sais pas. Puis il me semble que c'est des épisodes que j'ai déjà vu à la télévision. C'est marqué sur le coffret. Il est tout en québécois. T'arrives comme épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en québécois. 7, oups, français de France. Mais si tu écris sur le coffret. Ben, je pense pas, là. Sûrement pas marqué un épisode en français de France, le reste en québécois. C'est que cette affaire-là. J'avoue, hein. Ben, c'est le problème. Ça a peut-être été perdu. Il y a des affaires qui se perdent ou qui veulent qui sont pas distribuées comme Robin Stella parlant de série culte. S'il vous plaît, quelqu'un, distribuez ça. Oh. Ça va me rappeler des souvenirs de jeunesse. Ouf. Hey. Le Rapidotron. Le Rapidotron. Les Oups. Les Oups. Mais j'étais vieux un peu pour écouter ça. Ouais, j'étais un peu plus jeune que toi, moi. Mais ouais. J'écoutais mon deux ans, c'est pas super, là. Mais mon frère, moi, était plus jeune aussi. Fait que j'écoutais mon frère. J'écoutais quand même un peu. Mais je pense que je l'écoutais plus pour la joke, pis le genre de look bizarre que ça avait. C'était vraiment fantastique. Cartoony, un peu. Ouais, c'est ça. C'était comme irréel. Les personnages étaient comme vraiment exagérés. Oncle Darius. Léon Brizard, man. Quel personnage exagéré, mon gars. La compagnie de biscuits, puis tout. Là, pis, ouais, man. Ça, oncle Darius, puis. Oncle Darius. C'est quoi, Rock Francoeur, là? Rock Francoeur, oui. Moi, j'ai toujours voulu avoir leur tunnel qu'il y avait, qui tiravait dans le garde-robe, que tout le monde voulait avoir, ça, quand on était jeune. Son cheval, man. Ah, le cheval bleu, ouais, t'es c'était malade, ça. Puis quand il était dans son cheval, c'est bizarre, il y avait vraiment de la place. Hey, c'était huge son cheval. D'après moi, son cheval, c'était un studio au complet. Là. À part, genre. Hey, c'est des séries cultes québécoises. J'avais même pas noté ça, rien là-dessus, moi, en plus. Ah, moi, j'en ai. J'en ai une que j'avais notée, séries cultes québécoises, pour moi. Puis, ben, je viens d'en passer à une autre, là, mais c'était Les Invincibles. Je l'ai, moi pas, aussi. Pas le choix, c'est sûr. C'est... Mais c'est ça, encore là, séries cultes pour nous autres. Mmh, mais succès critique, quand même, pas mal. Mais hein. En même temps. Culte, il n'y a pas eu genre. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, t'as pas. Comme Star Trek, mettons. Ah, ça, c'est Tricky, une autre série culte. Mais ça, moi, je suis pas fan de Star Trek pour 2 cents. Puis je respecte ceux qui aiment ça. Ouais, moi, ça marche pas avec moi. Moi, ma blonde, là, a peur de Spock. Elle voit Spock à la télé, man. Elle se cache les yeux. Elle le trouve laid. Elle est pas capable. Son petit toupet carré, ses oreilles de vulcain, man. Puis ses sourcils foncés, genre en pointu, là. Elle est pas capable, man. Ça y lève le cœur. Elle a le goût de vomir. It's only logical. Ouais, dans le fond, c'est ce qui arrive. Ouais, mais, ben, les Leonard Nimoy. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, Les Invincibles, pour nous autres, c'est une série mais c'est parce que ça a trippé. Mais tu sais, Star Trek, mais ça, au Québec, ça a duré exemple, combien de temps, là, aussi, comparé à Les Invincibles, ça a duré, c'est 3 ça a saisons. Ça combien de temps, puis ça dure-tu encore? Je suis pas sûr, mais... Je sais pas, voilà. Mais ça a duré des années, là, je pense que ça a commencé dans les années 60. Il y a encore des films qui se font, ouais, c'est Trek. Ça. T'sais, Les Invincibles, ça a été 3 saisons. Mais moi j'ai capoté là, sur Les Invincibles. Quelle écriture de génie. C'était fou, là, cette série-là. Oh, ouais. Ben là, c'est ça. Justement, j'ai dit que ça m'a fait penser à autre chose. Minuit Soir, une autre série culte pour moi au Québec. Là. Ça, je l'ai, mais je l'ai pas vu encore. Ah, tu faut que tu te tapes ça. Là. Ouais, c'est excellent. Là. Mmh. Mais là, on va. Je peux pas en parler. Non. Mais là, on va revenir dans les séries américaines. Twin Peaks, qui est une série culte que. Je m'excuse, mais je l'ai pas vu. Puis ça, je sais que c'est culte, puis il faut que je l'écoute. Puis est-ce sur Netflix, celle-là? Mais série culte, sinon. Moi, j'ai pensé à d'autres affaires. OK, vas-y donc. Mais on va aller loin, là. OK. C'est-tu une série culte Dallas? Parce que même, ça a joué longtemps. C'est comme un soap culte, là. Ce l'est, mais pas pour nous autres, mais non, c'est non, culte mais dans le paysage télévisuel. C'est une espèce de mode, là. Hey, GR, puis Bobby et Wing. Hey, la femme à JR, là, sous Hélène, là. Oh, mais hey. Était alcoolique, là. Mais. JR. Il est pas mort, JR. Non. Il est mort pendant une saison complète. C'était un rêve. Là, je fais. Là, je fais ça, je regarde JF, puis je fais un mouvement avec mes mains dans les airs, là, comme en wave, puis je fais. C'était un rêve. C'était vraiment con. Des émotions radiophoniques. Mais tu sais, au pire, d'autres séries, genre Still Soap, The Bold and the Beautiful, ça joue à Steam, mon gars, depuis la nuit des temps. All My Children, petites All affaires. My Children, là, toutes ces affaires-là. Je pense que ça vient de finir, ce show-là. All My ouais, Children. Il y a quelque chose aussi qui vient de finir récemment, qui a duré il y a comme 50 ans ou plus. Là. Je me suis... 50 ans. Ouais, mais sérieux, c'est quasiment ridicule. Les personnages qui étaient là au début, il y en a qui sont encore là des fois. Là. Avec une face de plastique. Juste vieux, avec la face botoxée. Puis... Wow. Ben, si on revient dans la science-fiction, sinon, X-Files. Ouais, c'est X-Files. Ridicule. Ouais, c'est vrai. Puis, moi, honnêtement, c'est pas mon genre, j'ai pas trippé. Là. Moi, j'ai vraiment aimé, mais j'étais pas fan en fou. T'sais, je l'écoutais quand ça passait, mais pas au point de capoter. Mais j'étais jeune un peu quand ça jouait à X-Files. Ouais. Ben moi, j'étais correct pour écouter ça, mais j'ai jamais trippé. Quelque chose vraiment culte, encore une fois, que j'ai pas écouté, parce que c'est British, puis normal, j'ai un peu de la misère avec les trucs British, dépendamment de c'est quoi. Doctor Who. Sauf les films de Simon Pegg. Oh, là, Simon Pegg est fou, là. Mais Doctor Who. Doctor Who, ouais. Ça a commencé en 63, ouais. Doctor Who. Il y a eu 26 saisons, puis un téléfilm, selon ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais. C'est assez culte, ça, son... Je pense que le docteur, il change à chaque année ou quelque chose genre. Mais on est fan, toi et moi, de t-shirts de genre pop culture un peu. Là. Ouais. On achète des ouais, des ouais, sur plein de sites. Sur T-Fury puis des sites comme c'est ça. Plein de sites. Des one day deal. Là. Ouais, puis moi, je suis de maniaque, je cherche même des fois des sites pour trouver le t-shirt unique. Puis genre, comme j'ai vu un t-shirt, mettons, de Flash que je veux, mais je veux me l'acheter comme ça, un t-shirt de Green Lantern qu'on a vu pour toi et toute la kit. Je cherche vraiment des sites là, intenses pour toute la kit. Mais il y a des sites là. Qui font des one-day t-shirts, là. On dirait, là, parce qu'il y en a plusieurs, des sites de même, on dirait qu'ils sortent à chaque semaine un t-shirt de Doctor Who. Ouais, c'est la grosse mode. Puis je m'en sac tellement. Mais tu sais, en même temps, t'sais, je respecte le monde qui aime ouais, ça. Ouais, il y en a, puis... mais c'est un t-shirt sur trois, c'est Doctor Who de ce temps-ci. Là. Ouais, mais pas sur le même site. Ouais, c'est peut-être c'est ça l'affaire. C'est qu'on on check plein de sites, puis on dirait qu'il y en a tout le temps un sur trois, là, tu sais, dans chaque semaine. En tout cas, on est trop intense. Là. Mais ouais, effectivement, Doctor Who, c'est une série qui dure depuis là, vraiment longtemps. Puis... Sinon, dans les séries cultes, sinon, mais... Sopranos, qui a eu, ouais, que je pense qu'il était cool, il y en a beaucoup, là. Mais moi, j'en ai une. Vas-y. Batman. Mais la série avec Adam West, là. Wow. C'est culte, ça. C'est culte, ça. C'est culte ou c'est que. Culte. Ça peut être culte, c'est quand même. C'était poche. C'était poche, mais c'est-tu culte parce que c'est poche? C'est-tu devenu culte après ou c'est venu culte quand ça jouait? C'était-tu bon dans les années... Ça devait... Fait, mettons dans les années 50, 60, je sais pas. Dans ah non, c'était en couleur, je pense. C'était pas quand 60, 60 au moins. Bon, ça... mettons dans les années 60, c'était-tu culte? Ça pognait-tu, je m'en souviens ouais. pas. Ben, je m'en souviens pas, j'étais comme pas né. J'étais pas né dans les années 60, ça va. Moi non plus. Il y avait l'autre, là, ben, Robin. Ouais, comment il s'appelle? C'était pas Burke quelque chose? Ouais, j'ai honte présentement, je oui. m'en souviens. Burt, il me semble une affaire Burt. Ah, c'est Burt, là, mais Burt something. Il était là l'année passée, il me semble, au c'est Comic-Con. C'est pas Burt Reynolds. Non, pas Burt Reynolds, lui. Ce serait des films cultes avec Burt Reynolds, mais... Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, il avait sûrement une belle moustache. Toujours. Ah, Mission Impossible. Ah oui, la série originale. La série ouais. originale, c'est sûrement très culte. Ben, dans le fond, c'est quoi l'autre? Twilight Zone aussi? Qui a Twilight été... Zone. Le million, One Million Dollar Man, là, Steve Austin. Steve Austin, ouais. Avant qu'il devienne Stone Cold. Avant qu'il devienne Stone Cold et qu'il fasse 316 Wrestling. En buvant de la bière comme un gros cochon. Là. Ouais, c'est ça. Des stunners pis tout. Là. Des gros stunners. Ben, moi, c'est pas mal ça que j'avais comme. Moi, j'en ai au Québec. Encore plus? Ouais. Ben, vas-y. Ah, j'en ai au Québec, si tu veux que je t'en sors, je peux t'en hey, sortir. Hey, une série culte pour les jeunes de notre âge, à peu près. Pas pour de banane, toujours. Ouais, mais ça, c'est plus jeune avec Yves Corbeil. Yves Corbeil. La ouais. Margarine Fleischmann! mais où? Mais ça, les tout gars. Malaise. Pis son frère. Il y a pourquoi un malaise? Je sais pas. C'est pas parce que je dis son nom qu'il y a un malaise? Ben. Était là dans ce temps-là, je veux dire. C'est vrai. T'as raison. C'est je retire le malaise. C'est bien malheureux. Il était joli. Ouais, mais enchaîne donc, qu'est-ce que tu disais là? Watatao! Ben oui, Watatao! Watatao! Tout le monde se rappelle encore du thème? Tout le monde. On chantera pas. Non, on va vous épargner vos oreilles. Là. Hey. Le club est 100 watts, tu. Hey, oui, man, j'avais pas pensé à ça. Mais. Ça, c'est plus émission. Culte pour les jeunes. C'est ouais, plus émission. Ça de... passe partout. Ouais, ah ben oui. Ouais. Mais c'est plus émission de notre jeunesse qui est émission culte rendue là. Mais quoi, passe partout, c'est culte, même si tu le réécouterais pas vraiment présentement. À moins d'être ouais, vraiment non. chaud. À moins d'être des enfants, là. Ou d'être vraiment chaud. Ouais, puis même encore. Ben ça peut être drôle. Mais pas longtemps, tu sais. Ouais, c'est ça, tu dois t'en vite un moment donné. Tu vois, ils l'ont certains petits moments. Ils l'ont ressorti dans le temps de Noël à Télé-Québec, puis moi je l'écoutais un peu avec un petit verre de vino, puis je suis comme je changeais de poste après ça. Ouais, c'est ça. Après un petit rire hautain. J'étais tellement Christian Bégin style. Ah bon. Tu vino, un petit verre de vino. Vino les Gwyn. Maudite Gwyn. T'en as-tu d'autres des. C'est une Gwyn. Des Québécois. Ben, j'en ai d'autres. Lancer compte. Je peux faire du name dropping. Lancer compte. Ben c'est ça, mais je le gardais pour la fin. Ah. Parce que je veux faire un lien. Ah, ok, on reviendra. Ok, mais je peux te faire du name dropping. Ok. De show que je me rappelle pas, mais je me rappelle du nom. L'héritage. L'or du temps. L'or du temps. Entre chien et loup. Chop Suey. Chop Suey, ouais. Entre Cadieux. Les héritiers du Val. Dame de cœur. J'en ai d'autres niaiseries, là. Genre, mettons. Chambre-en-Ville, là. Ah, Chambre-en-Ville. C'est intense, Chambre-en-Ville. Hein? Chambre-en-Ville, c'était bon, Chambre-en-Ville, dans le temps, pour vrai. Là. C'était intense. Ouais, c'était solide. Ouais. Il y avait bien du coton ouaté qui se portait dans ce temps-là. L'eau-là. Ouais. Oh, stylo, là. C'est quoi, stylo, là? Shit. Non, c'était shit qui disait. Shit. Je t'aime, l'eau-là. Je t'aime, l'eau-là. Shit. Mais, une série culte que j'en viens même pas qu'on l'ait pas nommée, là. Ouais. Avant de parler de du reste, là. Mais. Une série culte que c'est sûr que tu vas faire comme voyons donc. En humour. Mais en humour. La petite vie. Ah ben voyons. Hey, offuse-toi là. Ben oui, ça, c'est probablement une des séries cultes québécoises qui est connue par tout le monde. Mon frère, comme il disait, il l'a vu en Thaïlande sur une télé à TV5. Voyons donc. Ouais. Oui, c'est vrai, il a dit ça dans le podcast l'autre fois. Ouais. Hein, oui, c'est vrai. Puis je te dirais, regarde, aveu personnel, je pense que j'écoute La Petite Vie à chaque jour. Quand je me couche, moi, il y a tant quelque chose qui joue en background. Mais parce que ça me fait quelque chose. Ben. Fait que c'est. Faut tant qu'il y ait de quoi en background quand je me couche pour me vider la tête, là, que je pense à autre chose, mettons. Là. Puis là, je mets tant comme ça, là, La Petite Vie en background, parce que je l'ai tellement vu souvent que je me ferme les yeux et je suis capable d'imaginer ce qu'il joue. Ouais. C'est fou, ça. C'est classique. Tu peux pas. T'écoutes ça, puis c'est tout le temps bon. On dirait que tu t'écœures. On peut en faire d'autres name-dropping québécois. Oh, un gars, une fille, Omerta, les filles de Caleb. C'est tous des classiques. Tout noté ici. T'as tout noté ça, toi? Ben oui. Moi, j'ai plus rien depuis tantôt. Là, c'est ma petite bière qui parle. Fais des recherches. Des grosses recherches. Mais c'est ça. Mais oui, tu t'as dit lance et compte. Ouais, lance et compte. Ben oui, lance et compte. Quelle série, pareil. Dans le temps, là, dans les années 90, ça, à peu près. Come on, Marc Gagnon! Hey, Marc Messier était écœurant. Yvan Ponton. T'avais de la grosse pointure pour le temps. Là. T'avais le gars qui faisait Pierre Lambert. Là, je me souviens pas de son nom. Là. Ouais, il jouait dans Fortier. D'ailleurs, un nom de série culte, Fortier. Ouais. Puis t'avais Mac Templeton. Mac Templeton. Lui, là. Il était écœurant, hein, Mac Templeton? Débile. Il me fait penser, tu sais, à qui? Non. Un petit peu, là, des airs du nouveau DG du Canadien, Marc Bergevin. Ben ouais, hey, c'est-tu ton lien vers le prochain segment? Ouais! Ben, allons au prochain segment! José. Ben oui, GF, Marc Bergevin. Le nouveau directeur général du Canadien de Montréal, qui a été enfin dévoilé cette semaine. Honnêtement, puis je suis d'accord. Puis cette semaine, là, quand il y a eu la conférence de presse à RDS, je l'ai mis comme juste le son à ma tête. Ouais, tu l'as suivi live? Je l'ai suivi live. Puis j'adore juste, puis c'est le mot qui est sorti à peu près dans tous les médias, là, c'est rafraîchissant. Juste de pas voir un robot. Là. Ah, Pierre Gauthier, il était invisible de toute façon. Ouais, c'était un robot. C'était un robot. Quand tu sais, M. Markov, M. Cole, M. Pacioretty, M. Darche. Lui, c'était tous des messieurs. Oui, je veux bien, là, c'est tous des messieurs. Mais tu peux être un petit peu plus proche de ton personnel, de ton équipe. C'est ça. C'est pas parce que. Oui, c'est une business, je veux bien, là. Mais le but, c'est de former une chimie. Moi, je m'excuse, mais si t'as pas de chimie dans ta job et tu travailles en équipe, ça marche pas. Ouais, puis c'est ça. Ça part d'en haut, ça, là. Marc Bergevin, apparemment, figure paternelle que j'ai vue dans les médias à date. C'est un peu de l'humour, en plus. Juste à la conférence de presse, j'ai tellement ri. Il a sorti une joke. Un moment donné. Il y a un journaliste qui dit, ouais, Marc, je t'ai déjà envoyé un courriel par rapport à telle affaire, blablabla. Bla, bla, puis là, il dit ça. Ouais. Puis Marc Bergevin répond, ouais, c'est entré direct dans ma boîte de spam. Mais man, je suis tellement parti à rire parce que, tu sais, c'est juste une petite joke de même, mais tu verras jamais Pierre Gauthier faire ça. Même pas Bob Gainé. Ben, à la limite, Bob Gainé peut-être un peu plus que Pierre Gauthier, mais Ouais, c'était pas un gars genre super souriant non plus. Là t'as un gars qui est funny. J'ai vu des photos de un sac de bâton de hockey en boxeur. Wow. Il s'était caché dans un sac de bâton de hockey en boxeur. Puis quand il est arrivé, ils l'ont comme dézippé. Moi, je l'ai vu aussi. Ben, il était DG des Blackhawks avant. Ben, il était pas DG. Il a travaillé pour les Blackhawks. En fait, il a fait beaucoup pour les Blackhawks parce qu'il est là depuis 2005-2006. Il a été dépisteur professionnel, là, pro scout dans le fond. Ouais. Il a été directeur des dépisteurs, il a été assistant entraîneur, puis finalement à la fin il était directeur du personnel. Ok, ok. Parce que ça, j'ai vu une photo sur le net en tapant son nom de lui habillé en genre Jules César en toge dans le vestiaire des Blackhawks. Mm-hmm. Je trouve ça bien drôle. Puis il y avait une photo de lui dans son bureau. Puis Austin Powers. Ouais, il y a un poster de Golden Bear dans son dos. Ouais. Puis c'est sa tête qui est là. Ouais, c'est ça, c'est Austin Powers. C'est malade. Mais tu sais, il a l'air drôle. La seule affaire, c'est qui Marc Bergevin? Ben, je sais juste que c'est un ancien joueur qui a joué 20 ans dans la Ligue nationale. C'est un défenseur, je pense. C'est ça, c'est un défenseur. Il a joué 20 ans. Moi, je le connaissais pas. Fait que ça, honnêtement, là, je vous dis ça parce que je vais arriver avec l'information. La jasette, c'est pas juste n'importe quoi. Ben, voyons donc. Eh oh! C'est une nouveauté, ça? Je vous surprends. Crème. I come prepare! Faut que tu m'avertisses quand tu fais des nouveautés, on va faire de la promotion. Non, mais j'ai pas été chercher des gros détails. Je suis allé chercher du basic. Là. Le gars, dans le fond. C'est un défenseur, il a été repêché en 83 par les Blackhawks là, directement là-bas. Fait que tu sais, lui, c'est comme son équipe du début. Là. Fait que c'est pour ça qu'il a retravaillé pour eux autres à la fin. Comme tu as dit, il a une carrière de 20 ans. Il a arrêté dans les années 2000. Là, il a joué pour plusieurs équipes. Il a joué pour les Blackhawks, les Islanders, les Whalers. Les Whalers, le Lightning. Tu parles de 90 tantôt, les Whalers. Les Whalers, wow. Hey, on pourrait se faire un spécial rétrospective sur les vieilles équipes, man, classiques. Les Whalers. Puis, ouais, c'est ça. Il a joué quand même beaucoup de matchs. Il a joué à peu près, je dirais, 1190 matchs. Là. Ah, quand même. 80 matchs environ en série. C'est pas un gars qui faisait des points. C'était un défenseur défensif. C'était comme un gars d'énergie, là, tu sais. Ouais, ouais. T'sais, il va t'en donner sur l'énergie. Puis, c'est un gars vraiment plus dans ce genre-là, de ce que j'ai compris. C'est un gars qui a fait genre 180 quelques points là, dans sa carrière. Là. Ok, ok. 190 minutes, 1000 quelques minutes de punition. En tout cas, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada au championnat du monde. C'est un gars de hockey dans le fond. Il en a vu, puis il a joué longtemps dans les nationales. Puis l'avantage de ce que j'ai entendu dans les médias, puis tout ce qui s'est dit autour de lui, c'est que ce gars-là connaît tout le monde. Ouais, il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de contacts. Ça, c'est positif. Ouais. Parce que. T'as beau être le meilleur homme d'affaires, ce qui était Gauthier, parce que Gauthier, c'est ça, c'est un homme d'affaires, là. C'est pas un joueur de hockey, il n'a jamais joué au hockey, lui, c'est un homme d'affaires, il a étudié en finance, je me souviens plus, mais il a étudié dans un département, dans une affaire, okay, il a étudié en affaires, tu sais, whatever, quelle affaire que tu voudras, là. Il a étudié dans une affaire. Dans une affaire qu'il étudie. Aimes-tu ça faire des affaires? Fait que, fait qu'il a étudié, c'est ça, dans... Il est plutôt plus un homme d'affaires, vraiment généré. On a compris que c'est un homme d'affaires, je pense. Là, plate, là. Puis cravate, mon gris. Puis gris, puis drabe, puis plate, puis pâle, puis robot. Mais Marc Bergevin, c'est un gars, genre, c'est un joueur de hockey. C'est un gars de hockey. Puis tu sais, tu l'écoutes parler, il est à peu près aussi bon en français qu'en anglais, là. Donc, pas très, très. C'est ça que j'allais te demander. Il est-tu bon dans les deux langues ou il est médiocre dans les deux? Il est à peu près moyen dans les deux. Là. Il parle comme un Québécois, puis il parle en anglais comme un Québécois. Là. Excellent, t'sais, ça. C'est... Fait que c'est pas mauvais. Pas autant, mettons, que Georges Saint-Pierre là, en Québécois. Ah ben, ça, c'est dur à battre. Là. Ouais, là, ça, c'est du gros stock. Là. C'est vraiment intense. Là. Mais, tu sais, il est quand même bon en anglais. Il se débrouille bien. Mais là, je pense qu'en plus, à la conférence de presse, il était peut-être un peu nerveux. Là, c'était comme première conférence de presse devant tous les médias de Montréal. Puis on sait qu'ici, c'est assez intense. Là. Ouais, mais... les médias peuvent devenir assez crackpot avec le Canadien. Ouais. Est-ce qu'on dit qu'il y a une surexposition du Canadien? Peut-être. Je vois pas de quoi tu parles. À peine. Puis c'est ça, il a juste parlé brièvement du nouveau coach. Il a pas parlé du nouveau coach. Il a dit qu'il était pas pressé de nommer un nouveau coach pour le Canadien, puis qu'il allait passer des entrevues pour bien du monde. Puis il a dit quoi d'important? Il a dit que Connie Worth était redescendu au niveau d'assistant coach comme il était avant. Mais que également, ça allait être la décision. C'était pour être la décision du futur coach de choisir ses assistants. Donc, le job à Connie Worth est vraiment pas garanti à Montréal. Là. Par exemple, il a gardé Trevor Timmins. Ouais. Il a fait des bons choix, il a fait des mauvais aussi, par exemple. J'ai lu ça quelque part. Ils ont fait une vérification, une étude sur les meilleurs recruteurs de la Ligue nationale. Puis Timmins a un très bon ratio. Ah ouais? Ouais. Le problème, je pense, c'est plus le côté développement de l'équipe. Les joueurs ne développent pas bien parce qu'on a recruté des joueurs qui ont eu des carrières incroyables ailleurs, mais pas ici, là. Ouais. Tu sais, le développement du joueur est peut-être pas vraiment bon. Puis là, on dirait que c'est ça qui est en train de se passer avec des gars comme Subban, tu sais. Ouais. Ils sont pas capables de. Ils sont prêts à les encadrer. De l'encadrer correctement. Il reste quand même fait des mauvais coups. Là, je pense qu'il a recruté en l'année que Claude Giroux a été. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il a recruté un gars Fisher. Qui joue même pas. Genre. David Fisher, quelque chose David Fisher. Puis il joue pas encore dans la Ligue nationale, ce gars-là. Tandis que Claude Giroux va peut-être s'avérer être. Dépendamment de ce qui va se passer avec Crosby. Mais aussi, le il y a de eu des bons joueurs qui ont été repêchés, qui ont été échangés, comme dans des échanges d'imbéciles, comme McDonough qui a été échangé. Ouais, Ryan McDonough, ouais. Qui joue quand même pas super présentement. On l'a eu pour Scott Gomez. Ben, garde, hey! Lien involontaire. Lien involontaire qui nous mène à notre deuxième question qu'on a eue. Ben, notre troisième question, en fait, qu'on a eue sur notre Facebook par. Marty Vero, notre guitariste Martin, DMV0480 sur Twitter, je vous rappelle, notre si vous voulez avoir de la musique de podcast avec 10% de rabais. Mentionnez la jasette. On va le voir demain, je vais y en parler de ça, de ce petit deal-là. Sûrement qu'il n'a jamais fait de trucs payés pour d'autres podcasts, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, Martin voulait qu'on se mette en fait dans les souliers de Marc Bergevin et qu'on dise qu'est-ce qu'on ferait à sa place avec le cas Scott Gomez, okay, justement. Attends, on va-tu plus loin que ça? Vas-y fort. On va-tu se mettre dans la poudre de Marc Bergevin, mais là, il y a de la job en partant. Ah, oh, c'est clair, faut okay. qu'il... Faut que tu signes Piqué, ou en tout cas, que tu fasses de quoi avec Piqué. Faut que tu signes Price. Faut que tu signes Price, ou que tu fasses de quoi avec Price. Ben, quoi que lui, il est encore avec Restriction. Ouais. Même chose pour Piqué, Price, ils vont le garder, je pense. Là. C'est sûr. Puis de toute façon, Bergevin, il l'a dit que quand t'as un gars comme Price dans les nets, t'es déjà un avantage, tu pars solide. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a une intention de le signer. Il reste à voir combien. Mais c'est en partant en ayant un DG plus on impliqué. On se met dans la peau vraiment du DG, puis on va vraiment ratisser loin. Là. Ah ouais, qu'est-ce que tu ferais avec, justement, Piqué? Qu'est-ce que tu ferais avec Price? T'as 12 joueurs cette année de signer, je pense. Ben. Faut que t'en signes la moitié quasiment de ton équipe. Qu'est-ce que tu fais avec le coach? Qu'est-ce que tu fais avec Gomez? On part, man. On part, OK. On part par on quoi? On commence par quoi? On commence-tu par le coach? La base. Tu as besoin d'un coach pour commencer. T'amènes qui, toi, à Montréal? Moi, j'ai entendu bien des noms. Il y a Roy qui est circulé dans les... Roy qui n'arrête pas de revenir. Par contre, Roy, power trip bien raide, il voulait être DG puis il voulait être coach. Puis ce que Marc Bergevin a dit, c'est qu'il fallait que ce soit une famille puis une équipe. Fait est-ce que Roy est trop... pas tête folle, mais... Mais en même temps, je pense qu'il n'a pas écarté Roy. Non, c'est ça. Il est encore dans les possibilités. Il n'a pas écarté du tout. Puis ça, j'ai hâte de voir ça parce que ça fait longtemps que il y a un site que je suis qui a mentionné que c'était Roy, DLC, dans les coulisses. Ouais, ouais. Puis il a mentionné que c'était Roy puis qu'il y avait des sources qui avaient dit que c'était Roy. Puis j'ai hâte de voir s'il a raison parce que on dirait genre que je veux voir, tu sais, qui j'aimerais... va avoir raison. Genre. J'aimerais ça voir Roy, moi aussi. Mais là. Oui, en même temps, tu sais, ça serait vraiment spécial. Puis ça pourrait amener une autre dynamique. Puis je pense que Roy, ce serait peut-être le genre de gars qui pourrait placer des jeunes. Mais enlève, mettons, le choix de Roy. J'ai vu un autre nom passer cette semaine que j'ai trouvé pas mal intéressant, moi. Bob Hartley. Ouais, ben il a gagné en Suisse. Ouais? Ouais, il a ramené une équipe de fond de classement en Suisse. Je pense qu'ils ont fait les séries par la porte en arrière, par les fesses. Puis ils ont gagné. Wow. les underdogs. Ouais, carrément, là. Fait que c'est un héros là-bas, Bob Hartley. Là. Fait que Bartley. C'est écœurant, hein, Bob Hartley. Qu'est-ce que j'ai de demain? Qu'est-ce que j'ai de demain? Bon, fait que ouais. Mais Bob Hartley, toi, c'est un bon choix. Tu irais avec qui? Moi, je te dis Roy ou Bob Hartley. C'est j'ai entendu mes choix. Beaucoup de noms. Honnêtement, j'ai entendu même des noms. Là. Il y a eu Alain Vigneault qui a circulé parce que là, Bergevin, il connaît Alain Vigneault. Bob Hartley, Patrick Roy, il est encore pas écarté. Mais tu sais, c'est tellement dur. Je pense pas qu'on va réussir à savoir tant que ça va être fait, à moins que tu aies des sources vraiment. Il y a trop de possibilités, de toute façon. Mais qui je verrais, moi? Bon. Je pense que je vais y aller, puis je vais me mouiller, puis je vais dire Roy. Pourquoi je vais dire Roy? Parce que j'aimerais voir, puis je trouve ça plate, parce que si on amène Roy à Montréal, puis que ça marche pas dans les 2-3 premières années, ça se peut qu'on le brûle. Comme on fait avec tous nos coachs présents. Voilà, comme on a fait avec Carbo, parce que Carbo, c'est lui qui nous a amené des harnais en passant. Ouais, j'allais le, c'est ça. Le citer, Carbo. C'est pas n'importe qui, Carbo, il a peut-être juste mal les. Il n'a pas été au bon moment, mettons. Là. En tout cas, voilà. Ouais. On n'en parlera pas dans le moment, mais je vais me mouiller avec Roy, puis je vais dire que ça ferait peut-être différent avoir un gars qui a peut-être plus de caractère, parce qu'on s'entend-tu que je pense que ouais, du caractère, là, c'est... Ben, il y en a peut-être trop des fois aussi. Peut-être là, mais... trop, justement, mais... Au moins, ça mènerait un peu de spectacle derrière le banc comparé à Jacques Martin, qui était comme une statue de sel tout le temps, là. Mm-hmm. Mais je pense si à ça, là... renvoyé pour les bonnes raisons. Tu parles de Carbo, ça s'est-tu déjà fait un coach qui s'est fait congédier, qui est revenu après ça? Sais-tu ce que je pense? Ce que je pense vraiment... Sais-tu ce que je... Je pense que j'ai trop bu de bière. Non, sais-tu ce que je pense? Je pense que le Canadien a vraiment dans la tête de vraiment faire carrément à partir avec du 109, là. Ouais, carrément. Ça sera pas la même équipe, là. Faut que ça... Ben là, c'est sûr qu'il va rester du monde, là, mais je veux dire... Il va y avoir des joueurs qui vont partir, puis du personnel. Oui, mais du côté du personnel de ouais, ben ça, il faut, là. De l'équipe, il va y avoir beaucoup de monde qui vont partir. Puis j'ai l'impression que ramener du monde qui était là avant, c'est peut-être pas dans leur mentalité. Non, mais c'est temps. Ça, là. Moi aussi, je pense que ça va être un nouveau coach. D'après moi, ça va être un nouveau coach qui est jamais venu jouer à Montréal. Pour ça que Alain Vigneault, je pense pas que ça va se passer. Il y a eu Crawford qui est sorti. Ah, hier, que j'ai vu ça aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, je l'haïs, Crawford. Ouais, mais tu sais, c'est ça. J'ai mes raisons. Pourquoi t'aimes pas les Nordiques puis les Avalanches? Je sais pas. Ils ont gagné la coupe, les salauds. Ouais, mais en tout cas. Mais ben, c'est ça. Il y a bien des noms qui pourraient être nommés. Ben. Moi, je vais mouiller avec quoi, mettons? Moi, je dis Bob Bartley de bord. Bartley. Ouais, c'est bon. Moi, je dis Bartley. J'aimerais ça, Bartley. Bartley ou Roy, ce serait deux bons choix, d'après moi. Ouais. J'écarte pas un ni l'autre, là, mais je vais y aller plus sur Bartley. Bob Bartley a gagné la Coupe Stanley. Il a l'avantage de ça. Ouais, en fait. Fait que, avec l'Avalanche. Fait que ça, c'est positif pour lui, je pense. Puis en plus, là, il a gagné avec une équipe de Suisse. Ben, il est dans un momentum, peut-être. Là, fait que, je pense que c'est un bon coach qui n'a pas été bien évalué. Effectivement. Je crois. Un bon vivant. Tu sais quoi que les joueurs, tu re-signes? Hein? Ben, Price, comme on a dit, tu le signes. À quel prix tu signes Price? Moi, je le signe, mais c'est ça, là. Faut tu vas aussi donner 10 millions par année à Price? Non, c'est malade. Il n'y a pas un gardien qui mérite 10 millions, là. Présentement, les meilleurs gardiens de la Ligue font pas ça, là. Non, je sais, mais... Tu peux pas signer Price à ce prix-là. Faut pas, là. Faut que tu compares avec ce qu'il y a d'équivalent. Le problème, c'est que là, il n'y a pas eu une saison miraculeuse, mais le Canadien a eu une saison de merde. Fait que tu peux pas te fier là-dessus. C'est pas nécessairement de la faute à Price si le Canadien a mal joué. Avoir un bon gardien de but, t'as beau avoir le meilleur gardien de but, si t'as pas de défense, tu feras pas grand-chose. Ouais, ben parlant de défense, tu sais quoi que Piqué aussi, tu le gardes-tu, t'as Piqué ou tu le... Piqué, moi, ben je pense qu'il commence à avoir une coupe de Piqué hater, là. Ouais, mais moi, je le garde. Moi, je le garderais aussi. Pour une raison simple, je pense que justement, il y a un changement de garde dans le Canadien. Il va être plus encadré, peut-être? Ben, il est jeune, puis... J'ai entendu. Il y a du talent, le jeune, ben, quand ouais, même. Ça, puis on va-tu brûler un autre talent puis l'envoyer ailleurs? Tu vas l'envoyer ailleurs, il va donner super bon, ouais, c'est ça. Là. J'ai pas le goût là, d'avoir un autre Grabowski qui va venir nous faire chier à chaque fois qu'il joue à Montréal. Là, puis qui va Grabowski. Fait que, oui, mais tu sais, je suis pas déçu que Grabowski soit parti, hein, Marc. Là, mais, ouais, non. Mais oui, Piqué, je pense, moi, je le garde, je le signe. De toute façon, lui, il est pas free agent. Là. Il est pas sans restriction. Il est avec restriction. Fait que il a pas le choix de signer avec les Canadiens. Même chose pour Price. Ouais. Il est obligé de signer avec le Canadien, il est avec restriction. Fait que c'est sûr que ces deux-là, c'est ta priorité. Moi, je pense que je les signerais les deux. Price reste à voir quel prix. Je comparerais avec ce qui se fait dans les. Comme je te dis, là, je suis pas un DG, là. C'est pas ma job de faire ça. Non. Je me mouillerai pas tant que ça. Ouais, mais ça. Je pense on jase. Que ça va hey, aller. On jase, là. Hey, on jase. On jase, là. Voyons-en. Fait que, y a-t-il. Non, mais j'ai pas vu la liste pas des. Pas plus que, mettons, 5-6 millions pour Price, là. Ouais. Tu sais, puis t'essaies d'avoir un long terme, là, genre au moins 5 ouais, ans. Sûrement. Mais ça, j'ai pas vu les autres joueurs qui sont à signer cette année. Je suis pas assez au courant. Il ouais, y en a beaucoup, mais c'est ça, je peux pas te sortir la liste, là. Il y en a mais, beaucoup, là. Je pense qu'on peut aller sur le cas qui nous intéresse, Scott Gomez. Moi, Scott être dans les bottines de Marc Bergevin, j'irais m'acheter des beaux caps d'acier neufs, là, puis je les ferais shiner, puis j'y crisserais un hostie de coup de pied dans le cul, là, mon gars. Puis après? Je l'envoie dans les mineurs. Non, ouais, mais si tu l'envoies des mineurs, faut que tu le passes par le ballottage, puis tu le passes par le ballottage, puis qu'il y a une équipe qui décide de le réclamer parce que, mettons, ils ont besoin de remplir leur masse salariale parce qu'elle n'est pas assez haute, mais tu payes la moitié de son salaire ou quelque chose du genre. Ah, c'est pas fou. Ça peut être chiant. Pas penser à ça, sauf que si tu rachètes son salaire, combien que ça va coûter au Canadien? Tu t'en fous parce qu'il ne comptera plus sur ta masse salariale, puis à ce moment-là, le Canadien, c'est une équipe qui a de l'argent. T'as raison. D'abord, moi, là, j'avais pas pensé à ça. Son contrat, là. Moi aussi, de base. Dit son On peut-tu l'envoyer dans les mineurs deux semaines puis y racheter son contrat après, genre, juste pour le faire chier ou quelque chose? Je le sais pas, mais parce je suis okay, assez au courant, honnêtement. J'ai entendu des affaires trop, là, mais... des affaires qui disaient que Gomez était bon dans la chambre puis tout, mais T'as beau être bon dans la chambre, quand tu finis 15e... Je peux me vanter d'être bon dans la chambre aussi. Regarde, là. Ça, là, n'importe qui peut se vanter d'être bon dans la chambre. C'est des preuves à l'appui. Il faut que t'aies des preuves à l'appui. Ben, c'est ça. Là. Si t'as pas les résultats, t'as beau être bon dans la chambre. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi, être un jeune, mettons, justement, là, comme piqué, ben, t'es pas piqué, mais... Je m'ai donné une chambre avec 30 gars, là, fait que, t'sais... Non, mais t'sais, il a beau être bon dans la chambre, si c'est lui qui fait les speeches, puis qui dit aux jeunes de se forcer, puis d'agir... Mais il y en a un autre qui prendra sa place. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que moi, je suis comme, hey, garde gamin, si t'as un hostie de but dans la saison, là, comme, veux pas me faire chier deux buts à la fin, là. puis, de toute façon, on a un capitaine pour ça. Il est pas blessé tout le temps, lui. Ouais, mais c'est pas grave. Il est pas supposé mais être rassembleur. C'est pas supposé être sa job à la base au capitaine. Il est comme un peu absent, Gianta, comme capitaine. Ben, honnêtement, au début, j'étais quand même content que ce soit lui. Moi aussi. Je trouve que c'était une bonne décision. Puis finalement, à long terme, là, plus ça va, plus je trouve que ça fait pas de grosse différence. Vous dites, OK, ça aurait pas été mieux si ça avait été Markov, là. Ben non, surtout pas blessé pendant une saison quasiment complète. Non, mais même en santé, je veux dire, il parle pas vraiment plus, là. I like Russia, tu sais, je veux dire, I'm Canadian, but I love Russia, tu sais. Puis ton petit Kamel Harry là-dedans, là. Kamel Harry, ben moi, je l'aimais bien, mais en même temps, je suis content qu'il soit parti parce que le Canadien avait trop de petits joueurs. Ouais. Puis il fallait que ce soit lui parce que peut-être l'attitude fitait pas avec le reste de l'équipe. Ouais, il va avoir une attitude de marde, là. Ben tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une petite diva, une petite drama queen. Ouais. Mais... Il reste que j'aimais quand même le style de joueur. C'est un sniper. C'est un gars qui va te compter des buts importants. Mais cette année, il en faisait pas. Ça marchait pas bien pour lui. Puis, il est trop petit joueur. Desharnais, Gianta. Oh, ben Desharnais. Tu gardes ça, par exemple. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je comprends. Là, mais... gabarit. Si tu compares avec les gabarits, il y a trop petits joueurs chez les Canadiens qui sont là présentement et qui s'en viennent. T'as Desharnais présentement. T'as Gianta. T'as Plekanec qui n'est pas un super gros joueur. Non, vraiment là. Pas. Là. T'en as d'autres, là. Je veux dire, d'un joueur qui s'en vient, t'as Gallagher. S'il pousse puis qu'il vient bientôt dans la Ligue nationale, c'est pas un colosse, ça, là. C'est un gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8. 5 pieds 7, 5 pieds 8. Je te commande, c'est pas un colosse qui mesure 6 pieds 7, là. T'es... 5 pieds 7, 5 pieds 8, puis il pèse peut-être, genre, 180 livres, genre, avec des poids d'un patin, là. Il est pas gros, là. C'est un tout petit joueur. Ben, OK. Fait que je pense qu'il fallait qu'il se débarrasse d'un gars qui avait, malheureusement, un gros contrat. Puis t'es pas nécessairement dans le but de ramener d'avoir des goons ou des gros gars juste de muscles pour se battre. Ça prend juste des plus gros gabarits. C'est bon, les petits joueurs, mais prend aussi du gros gabarit. Moi, j'aime des gars comme Cole puis Pacioretty, des power forward. Je pensais jamais t'entendre dire ça un jour. Moi, j'aime ça, des gars comme Cole. Ben, moi non plus, sérieusement, parce que c'était des joueurs que je détestais. C'était un de ceux qu'on a haï le plus, je pense, dans les saisons avant. Puis je l'adore maintenant. C'est comme probablement un de mes joueurs préférés dans le Canadien, là, cette année. Surtout depuis que je l'ai vu faire un high five à un arbitre, là, après un but. Ouais, ça, c'est comme. Ça, c'était le replay of the year. Là, mais ouais, c'est ça, là. Fait que c'est ça. J'aime mieux ce genre de joueur, là. Tu sais, Pacioretty, Cole, c'est des gros joueurs. T'as besoin d'encadrer, mettons, de deux gros joueurs de même, un gars comme Desharnais. Ouais, justement. Un gars comme Plekanec. Tu sais, si Bourque faisait le travail qu'il est supposé de faire, c'est un genre de two-way forward, là. Il va aller dans deux sens de la glace, mais il a quand même un bon lancer puis capable d'aller en échec avant. Ben, si t'as un autre gars avec Pleki puis Bourque, je pense que ça peut faire un bon trio. Mais faut que tu le trouves, ce gars-là. C'est qui? Ouais. Mystère plan. Mais ça, fait que toi, qu'est-ce que tu ferais avec Gomez dans le fond? Tu rachètes le contrat? Gomez, j'achète le contrat, puis je te dis, excuse-moi, tu ne cadres plus dans les plans de l'équipe. Merci. Bonsoir. Excuse-moi, tu as été trop à chier. Oh, même pas. Non, pas d'insulte. Tu laisses un message texte, puis je pense que le gars a des qualités, comme on a dit tantôt, tu as mentionné les qualités qu'il y avait probablement dans le vestiaire, là, comme le monde parlait. Là. Bon, à cause de ces qualités-là, je l'insulterais pas. Mais tu ne cadres plus dans la vision de l'équipe. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite de pourquoi Gomez était si mauvais? C'est-tu parce qu'il était. Il se forçait pas ou c'est parce qu'il est juste poche? Je sais pas. Il me semble qu'il fait tout le temps la même maudite feinte. Tout le temps la même feinte. Tout le temps. Il rentre par le centre, il coupe. Il sort un peu en arrière du net, là, probablement. Puis, là, il monte, puis il coupe, puis il s'en va à la puck. Il rentre par le centre, puis il coupe. Puis là, il freine à la ligne bleue, mettons, là. Comme pas loin. Après avoir traversé la ligne bleue, il freine, là. Puis là, il attend. Puis là, vu, il y a un bon coup de patin. Ça, il faut lui donner, il est vite pour la rentrée à Puck. Mais là, vu qu'il arrive trop vite, on dirait, il pogne la rondelle. Puis là, il est comme un reindeer in the light, là. Il est comme. Reindeer in the light. Blinded by the lights. Là, il est aveuglé, mon gars, il capote, il voit plus rien. Puis là, il perd la Puck. C'est ça que ça fait, genre. Scott. Comment est-ce? Fait que ouais, je rachète le contrat puis je dis Bye-bye. Fait que vous autres, le monde qui nous écoute présentement, qu'est-ce que vous feriez avec Gomez? Venez nous répondre sur notre compte Twitter, La Jazette, en un mot. Ou cherchez-nous sur Facebook. On a une page Facebook maintenant aussi. Venez vous abonner à notre page Facebook. On a juste 10 membres. Ça nous en prend 25 pour pouvoir barrer notre nom. Barrer? On peut pas barrer notre nom. Non, on pourrait nous voler La Jazette. On pourrait pas barrer genre facebook.com/La Jazette tant qu'on n'a pas 25. Non. S'il vous plaît. Venez nous voir. On n'est pas méchants. Non, venez nous écouter. Ben, venez jaser avec nous autres. J'aime aller voir la page, mais je l'ai liké. Tu l'as liké, toi? Ben, je pense que oui. Ben, c'est ça. Venez nous dire ce que vous pensez de Gomez. Pis, ouais. Ce que vous pensez du nouveau DG du Canadien. Pis quelle musique vous écoutiez dans les années 90? Ouais, je t'en... Hein? Puis, quelle série culte vous aimez le plus? On veut savoir. Venez réagir à nos propos. À commercial, La Jazette sur Twitter. LAJASETTE. Et sur Facebook également. Hey, on est-tu sur Google Plus? Pas encore. Wow! C'est-tu bien grave? Ben, je pense pas. C'est ça que je me disais. D'accord. Ben, c'est tout pour La Jazette, épisode numéro 3. La Jazette propulsée par Young Media. Quel épisode? Hey, incroyable aujourd'hui. Série culte, années 80, la musique. 90, excuse-moi. Facile, là. C'est la bière qui parle et la semaine qui est dans mon corps ça qui me parle. C'est probablement ça. Fait que, ben, c'est un bel épisode. Fait qu'on invite le monde à venir réagir, comme on dit tantôt, à nos propos sur Twitter, sur Facebook, tout ce qu'on a parlé. On veut savoir ce que vous voulez qu'on parle pendant le show aussi. Venez réagir, on veut jaser avec vous. C'est ça, la jasette. On est là pour jaser. On jase avec une petite bière. On jase, là. On fait du social. Du social. Fait que, en terminant, David, où c'est qu'on peut te retrouver, toi, dans les intertubes? Ben, les intertubes, on peut me retrouver sur Twitter. Sur les Twitter, dans les méga-web. Dans les méga-web, sur Twitter. Alors, Twitter, à commercial, MR, underscore, MINIWHEAT, et c'est ça, Mr. Miniweed. J'aime que tu finis le show avec un accent francophone, français pour aucune raison. Les intertubes, c'est génial. C'est génial, bordel de merde. Et pouf, le gâteau lève. Exactement ça. Et moi aussi, on peut me retrouver sur Twitter à commercial JF Chrome, donc JF CROMP. N'hésitez pas à visiter notre site web. Ouais, young.ca, YONK.ca. Faut tout qu'on épelle nos affaires, comme on dit, c'est pas ouais, madame. C'est pas facile. Est-ce que c'est une erreur de marketing, ça? Ben. C'est parce que le monde, sinon, il faudrait dire Yo Inc, mais avec un K. Ouais, on s'est déjà fait dire ça. Ah, c'est vous autres, Yo Inc. C'est nous autres, Yo Inc. Le son, Young, le son qu'on vous pique quelque chose. Exactement ça. C'était Jean-François Crompe et David Thibodeau pour La Jazette. Ciao. Salut tout le monde.